passe, hein. Regarde, hein, il a bientôt 10 ans le titre. Hein. Ah ouais, ça passe super vite, hein. Kevin Kinvey. Et puis en plus, on peut être fier en Orléans. Ce titre a été écrit chez nous, Orléans, du côté de Changi, ouais, par mon poteau SAP, Saint-Ange Production, du collectif métissé. Ça fait plaisir, le meilleur des souvenirs avec J'aimerais trop qu'elle m'aime. Une belle histoire d'amour en tout cas entre Kevin Kinvey et puis une fille qui veut pas, d'elle. Ah, le carton de l'été, ATP. I know I'm in over my head, a rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours, I'll be yours again. I can feel that fire's burning, give me more. So tell me, would you feel my sur la console, Your Love, ah ouais, le carton de cet été, on peut vous le dire, un spécial dédicace pour André qui habite du côté d'Olivet, à Tibi Topic, et puis il sera au Zénith d'Orléans le 21 février 2022, c'est Tony Carrera. Depois de tantos anos, nossa história teve fim. Foi amor sem planos, tinha que acabar assim. Foi amor proibido, como tanta gente tem. Eu já tinha alguém, eu já tinha alguém. No fundo eu já esperava, adeus tinha que haver. Somente não contava, senti não poder viver. Saiu-me tudo errado, e só quando te perdi é que eu entendi que depois de ti, depois de ti mais nada, nem sol nem madrugada, sem ti não há amor, a vida não tem cor. Mais nada em teu lugar. Depois de tanto tempo, só agora dou valor. Leve sofrimento, mas o meu é bem maior. Como fui inocente, pois que memória deixei de ir. O que é que eu não vi? Que depois de ti, depois de ti, mais 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Porque te vas, ya no sé ni lo que siento por amarte. Cuánto yo te quiero. Tic, tic, s'en va, tu vois. Je ne sais plus comment faire pour vivre sans toi. Dime por qué te vas, nena. Bien, ¿por qué se fue? No sé por qué se fue. El amor entre tú y yo, entre tú y yo. Tantas cosas quedan por hacer aquí en mi corazón. Aquí en mi corazón. En mi corazón. Todas esas noches haciendo el amor, gastando tu piel hasta el amanecer, buscando tu boca para decirte adiós. ¿Por qué te vas? Ya no sé ni lo que siento por amarte. Si, si, s'en va. Je ne sais plus comment faire pour vivre sans toi. Mais c'est à toi que je pense. Je passe tout mon temps à te chercher sans jamais te trouver. Dis-moi où est ta vie. Tous ces mots d'amour au réveil le matin. Tes mains sur ma peau qui me faisaient du bien. Mon âme est à toi, je veux que tu reviennes. Porque te vas. Ciel, 7h16 avec Caméléon, si tout te va, si tu t'en vas, non pas tout de suite, jusqu'à 9h avec bonne humeur. Salut Camille qui est connectée du côté d'Orléans, salut Francky, belle journée, merci d'être là le matin. Bah ouais, salut Sandra aussi qui est là, il y a un peu de monde là qui m'envoie des petits messages. Sabrina qui est dans le nord, elle les écoute sur internet, salut Sabrina. Kungs, I feel so bad. Welcome la famille. Et puis tout à l'heure, il y aura un invité, tout à l'heure, à 8h15. Ouais, un invité mystère, surprise. Plein de belles choses pour vous ce matin. Hi, Kungs. I love you. déjà chanté dans la baignoire, là, dans la salle de bain, en train de vous brosser les dents avec Combs, I Feel So Bad. Salut la familia, en mode réveil peut-être, ouais, c'est pas facile le matin, mais du son qui arrive, ouais, on a Maître Gims, avec, vous allez avoir un petit son pour remixer à la Funky, c'est pas mal. La météo. La météo. Et aujourd'hui, la météo est plutôt pas mal, clémente, on va dire, parce que demain, ça va se gâter un petit peu, mais légèrement. Hein. Aujourd'hui, donc, du soleil pour cette matinée. Je regarde un petit peu Météo France. Nuageux ce midi avec quelques petites gouttes de pluie, mais normalement, ça va être alterné entre soleil, nuage. Et je vous le disais, aux alentours de 11h midi, quelques gouttes de pluie, mais bon, très légère. Demain, malheureusement, ça va faire bon en début de matinée, et ensuite ça va se gâter un peu de pluie, après ça va revenir, ouais, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave, on est là pour vous donner le smile et la bonne humeur avec Gims, et ouais, le petit remix à la self-control, c'est Miami avec self-control Laurent Branigan sur Radio Arc-en-Ciel. Oh, J'adore ce remix, terrible. Laura Branigan hein, dans les années 80 avec Gibbs en 2000. Ouais, ça fait un petit remix sympatoche. Hein. Miami, j'ai fait ce qu'il fallait. Bah ouais, on a fait ce qu'il faut. Bah ouais, vous savez que depuis le Covid, on oublie de parler du sida. Bah ouais, le sida est bien toujours présent. Protégez-vous, sortez couvert. Eh ouais, on fêtait le sida il y a 20 ans. Ce titre, il était énorme. Kiss and Love, des artistes se réunissent pour lutter toujours et encore contre le sida. N'oubliez pas, sortez couvert, protégez-vous, il est toujours là. Voici du gros son Kiss and Love, c'est d'action. Jusqu'à fuir les regards, à défaut de savoir. Te souviens-tu du pire, les larmes sur la joue. L'injustice, le dégoût, l'impuissance entre nous. Que remplace un sourire quand on d'un avenir, les espoirs qui chavirent. Bien sûr, on s'est battu. Bien sûr, on continue. Mais à vous de me suivre. Car c'est à vous de vivre. Kiss and Love, 40 artistes sur scène, Gims, mes potos du collectif métissé, lutter toujours et encore contre le sida. Bah ouais, il faut pas oublier toutes ces maladies. On a un petit peu zappé qu'on a mis de côté avec le Covid, mais il est toujours présent. Sortez couverts. Un autre collectif qu'on a connu en 1986, eux luttaient contre la faim en Afrique, avec l'Ethiopie notamment. Voici USS for Africa. Là, il y avait du gros monde. Michael Jackson, Cyndi Lauper et j'en passe. We are the world, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. When we hear a certain call, when the world must come together as one, there are people dying. Oh, when it's time to let the hand to light. Big family and the truth, you know love. quel souvenir planétaire. Mais je vous vois dans la salle de bain, je vous vois en train de fredonner. Where are the world, where are the children? Planétaire en 1985, il avait été écrit par Michael Jackson et Lionel Richie. Et artistiquement, attention, c'est du lourd, hein. Christine Jones et Michael Hamilton pour écrire la musique. Et puis en France, on avait repris aussi ce collectif avec Chanteurs sans frontières, avec Renaud, avec Coluche, qui avait écrit une très très belle chanson aussi pour les enfants d'Éthiopie. On vous souhaite un bon réveil, 7h32 minutes. Coucou à José qui est là ce matin. Salut Eduardo, salut Pascal du côté de Saint-Jean-de-Bray. Merci Francky. Ça rappelle des bons moments. Ouais, c'est vrai. Lucenzo qui arrive et on l'a sur la radio. Un super mec, vraiment. Le cœur en or. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Et ouais, c'est Francky, la bande originale de Fast and Furious. Ça vous en rappelez forcément. Lucenzo Bigali avec Danza Kudolo. J'adore ce mec. Hey, combien de fois on l'a fait ici à la radio, hein? Il est venu quand même pas mal de fois. Hein. On essaiera d'appeler son manager tout à l'heure, tiens, Lucenzo, voir ce qu'il devient. Ouais, on aura peut-être des bonnes nouvelles, j'espère. Donovan avec Lucenzo, Bandasa Kudulo. Heureux d'être dans la familia, 7h36 minutes sur Radio Arc-en-Ciel. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Et le matin c'est super bien même. Et je vous rappelle, du côté de Fleury-les-Aubrais, de l'animation, tiens, si vous faites chier un petit peu pendant les vacances, ou si malheureusement vous ne partez pas en vacances, eh bien les estivales sont là. C'est au parc de Lamballe depuis hier, le 7, hein, même avant-hier, le 7 juillet au 27 août, des animations gratuites, des activités gratuites, c'est au parc de Lamballe et c'est tout l'été, voilà, vous allez pouvoir vous amuser. respirer, vous détendre et faire un peu de sport, pourquoi pas, direction le parc de l'Emballe, du 7 juillet au 27 août, que des bons plans, du son qui arrive avec Tutza, Carl et Nicky Yam sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil en direct à la radio. Hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa. Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro man no llora, no. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Viendo que a otra se puede amar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And now you're kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla. Holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys that I'm still your bae-o. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You're searching for a better bitch and you ain't met her yet. Hey yo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them rats talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar, pero la de buen buzón. Será porque con otra está viendo que a otra se puede amar. Un shot para la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Carol J, Tutza sur la Arc-en-Ciel, 7h40, heureux d'être avec vous. Un invité qui arrive tout à l'heure à 8h15, on vous en parle. 7h, 9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel. 96.2 FM, si vous, de l'autre côté de la radio, vous êtes mon invité pendant l'été, eh bien vous m'appelez 0238 43 48 00. Il sera là vers 8h15, je pense, hein. On va parler d'alarme. Eh ouais. Est-ce que vous avez une alarme? Est-ce que vous êtes bien protégé? Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Combien ça coûte? Eh bien, on aura les bonnes réponses tout à l'heure. Et ça fait plaisir de recevoir Fred à 8h15 dans les studios de la radio. Puis il a reçu une bonne nouvelle hier. Tiens, la mère de Fleury-les-Aubrais, Carole Canette, sera bientôt mon invité. J'attends la date de d'invitation. Voilà, avant qu'elle part en vacances, elle sera dans les studios de la radio française, la mère de Fleury, et puis du son, souvenir, et ça, forcément, on s'en rappelle, la version French, Amenetchou, Amenetcha, Flavel, Amenetou, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Et où ma danse sensuelle, en Guyana, j'appelle go. Fini, je vous continue. claque, c'est ton style. Ne me laisse pas insensible. Comment résister à ton charme bien dansé? Tu m'imites, j'ai pas de mots. Tu sais chanter tout cha-cha. Désolé, ok la miss, mais là j'avoue tu as gagné ce soir. Et au matin ce soir, les neurones appellent. Mimi joue coquine à rendre tous les gens locaux. On a dans ce suis mais pas et ferme les yeux, on y va. Il fait pas tout du cha-cha, vas-y les perles, va comme ça. Flavel Neto Chucha Charm, c'est pas facile à dire. Hein. Donc vous êtes avec nous, coucou à Stéphanie qui est du côté de Olivier. Salut Francky, merci d'être là le matin, nous rappeler de bons souvenirs. Et bien des bons souvenirs, je vais encore vous en rappeler. Elle était venue à l'époque dans une discothèque orléanaise qui s'appelait le Boombox. Elle avait cartonné à l'époque avec Easy Love. Et bien la voici ce matin en exclu sur l'arc-en-ciel, le meilleur des souvenirs avec Lady Easy Love. Coucou à Éloire aussi qui est du côté de Saint-Privé, Saint-Véran. Belle journée sous le soleil normalement, Francky, ça me fait plaisir de te retrouver à la radio. Ouais, moi aussi. Si vous vous laissez un message, vous m'appelez, vous passez en direct 02 38 43 48 00. Et voici Lady avec Easy Love. I only think of you. A universal language that's understood. Please let me know exactly what you want. So baby, if you feel it, speak it to me, speak it to me. I only think of you. A universal language that's understood. Quel souvenir ça. Ouais, le boombox, c'est ce que me dit Pascal. Ouais, c'est bon, ouais, on s'est rappelé. Et puis il est avec nous au téléphone, normalement c'est Philou. Salut Philou, bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bah, je te suis beaucoup. Ouais. Sur Facebook. Sur Facebook. Bah, je t'ai connu aussi du temps du. C'était du passant, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, voilà. tu vas me faire pleurer ce matin, ça me rappelle de bons souvenirs quand même, tout ça. Oui, ouais. Voilà. Ouais. Parce que bah, là, je suis du côté de Chartres. Bon, bah, ah ouais suis. Bah, c'est voilà. Bien. Et tu nous écoutes sur Internet, ça fait plaisir, Fifi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Fifi? Dans la vie, je suis agent SNCF à Orléans. Ouais, d'accord, SNCF. Ah, ça, c'est un bon métier, la SNCF. Hein. Voilà. Donc, je dédicace aussi à toute l'équipe de la SNCF. Ouais. Et puis, oui, bah, j'écoute aussi Radio Arc-en-Ciel depuis Chartres. Ah, bah, c'est bien sur le net, ouais. Tu tapes Radio Arc-en-Ciel sur Internet et tu nous écoutes, en tout cas, Fifi. Voilà. Et puis, tu fais un peu de mix aussi, je crois. Hein? Oui, je fais un peu de mix. Ah, bah, c'est bien. Ça. Voilà. Ça fait du bien d'avoir un confrère à l'antenne. C'est ça. Eh bien, écoute, tu vas faire quoi aujourd'hui? C'est quoi le programme de la journée, Fifi? Bah, aujourd'hui, ce matin, ça va être un peu. Je vais me poser tranquillement. Ouais, bah, il faut se reposer un peu, hein. Pas comme moi, hein, qui dort 3 heures par nuit, hein. Voilà. Et là, ça va être le week-end avec les amis, ouais. L'apéro. Ah, l'apéro. Et je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein. Faut faire gaffe, Fifi, hein. Pas de détruire la santé. En tout cas, on te remercie de nous avoir appelé, Fifi. D'accord. Et je veux aussi faire un petit dédicace. Vas-y. Bah, à toi, et puis ne pas oublier d'aller à Saint-Gilles. Ah ouais, il faut y aller à Saint-Gilles. Hein. Ça, c'est super important. Je passerai prochainement. Je vais te dire un truc, tu seras le bienvenu, hein, mon Fifi. D'accord. D'accord. Je t'embrasse. Salut Fifi. Salut à toute l'équipe. Salut mon ami, à toute l'équipe. Ouais, je salue le technicien de la radio, voilà tous ceux qui sont là dans les studios avec nous ce matin pour vous faire cette belle émission en direct avec Lady Easy Love et puis une fille que j'aime bien, ouais, que j'ai connue ici en radio et qui est plutôt sympatoche. Alors je suis pas fan de rap français, mais elle me fait bien marrer. Elle s'appelle Marwan. On aime bien ses souvenirs. Radio avec Fallait pas, bah ouais, fallait pas commencer. Tadoudi de l'homme, 7h48. Je déconne, moi je déconne. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne, mais qu'est-ce qu'elle est conne, qu'est-ce qu'elle est conne. Je repartirai pas sans son fun. Tout le monde la connaît dans le barrio. Elle tombe plus qu'un tube à la radio. Elle veut pas habiter dans ton studio. Tu pèses pas lourd, t'es pas proprio. Elle t'a piqué, elle t'a piqué. T'as du mal à nous l'expliquer. Elle t'a piqué, elle t'a piqué. Tu penses qu'à elle toute la soirée. Elle est bonne, fallait pas tout donner. Sois pas étonné. Elle t'a tout volé. Ton ego, ton cœur, ton porte-monnaie. Elle t'a piqué, elle t'a piqué. T'as du mal à nous l'expliquer. Elle t'a piqué, elle t'a piqué. Tu penses qu'à elle toute la soirée. Tu penses qu'à elle, donc tu t'amuses plus. Même tes potos te reconnaissent plus. Y'a que le barman qui t'encaisse plus. À croire sur terre, il n'en reste qu'à elle. Ah ouais, tout le monde te connaît, bah ouais, forcément, hein, la réputation que t'as vu ça, hein. Salut la ville de Saint-Y, la Porsche qui se balade dans Orléans. Si vous la repérez, vous m'appelez 0238 43 48 00. Comme dirait ma mère, ça c'est pour les jeunes, ouais. Et puis 1989, ce titre qui arrive. Alors là, 1989, c'est une belle année pour moi parce que ça a été mes premiers débuts en radio et en discothèque. Et forcément, ça a marqué les esprits Sydney Youngblood. Alors ce titre-là, je l'apprécie, je l'affectionne énormément. En direct à la radio, 7h51 minutes. Il y a Joël Olivier qui nous écoute sous la douche. Faites pas de cochonnerie sous la douche, hein, je vous rappelle. Allez, du son, ça c'était bon à l'époque. Ah là là là là, j'adore. Allez, on pousse les meubles, on accélère tout doucement sur la tangentielle et on danse avec Sydney Youngblood 1989. ourselves, sharing our feelings. Believe me, if only I could, I'd make this world a better place. If only I could, I'd make this world a better place. Bientôt 8h, ouais, il faut aller au boulot, hein, c'est pas tout ça de rester sous la douche et de chanter, chanter n'importe quoi. Salut à Mathieu qui nous écoute aussi, salut Mathieu. Une grosse pensée au club, aux discothèques qui vont ouvrir, hein, beaucoup vont ouvrir en France ce soir. Les discothèques d'Orléans se sont mobilisées pour justement ne pas ouvrir. Alors pourquoi? On va donner la solution, hein, parce que beaucoup se posent la question. On nous envoie des messages, et bien le protocole sanitaire est un peu trop lourd, hein, il faut le pass sanitaire, il faut les tests, il faut une 75% de la jauge, enfin voilà. Des contraintes, hein, avec un personnel à embaucher. Et puis il faut être honnête, hein, juillet-août Orléans c'est un peu plus calme, voilà, c'est ce que disent les patrons de boîtes de nuit de l'Orléanais, du Lorrain 45. Voilà, en tout cas leur souhaite bon courage, hein, ils vont encore vivoter pendant 2 mois. On espère les retrouver à la rentrée. Du son qui arrive, et ça on adore. Kenji Girac, salut à Steph du côté de Saint-Jean-de-Breil. Bray. Salut mon Steph, belle journée Francky. Ouais, ça me fait plaisir de te retrouver. Moi aussi, Steph. Andalouse, Kenji Girac, et puis notre invité, 8h15, on va parler d'alarme, de télésurveillance, on va parler de est-ce que ça coûte cher, est-ce que c'est important, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il y a des arnaques dans le métier. On va en parler avec Fred tout à l'heure, qui sera nos invités vers 8h15. Voici l'Andalousie, bah justement, hein, on y va avec Kenji. Sur des airs de guitare, puis tu bouges tes cheveux noirs, tes lèvres rouges, te balance. Reste un appareil pour tous comme un soleil. Je voulais me dire, tu as dans les yeux, moi j'ai vu le feu. Je t'ai dans la peau. Baila, baila, oh. J'ai comme une arme en dur. Déjà mes pensées me bousculent comme la lumière. Y'a que toi qui m'éclaire. Tu m'as dans la voix, le chaud et le froid. Je t'ai dans la peau. We'll be right back. spécial avec Kenji Girac, Andalouse à 8h du mat. Côté météo ce matin, c'est plutôt pas mal, du soleil, ça c'est la très très bonne nouvelle. Et puis une autre bonne nouvelle, bah oui, les souvenirs, le meilleur des souvenirs sur votre radio couleur. À bientôt, 8h, avec un groupe dans les années 2000 qui avait une voix de dingue, Organize. Eh ouais, on m'en rappelait. I never know your love like this before. Accompagne au boulot, c'est Francky. Esa noche contigo la pasé bien, wow, pero yo me enteré que te debes a alguien. 19h, Radio Française, on est en direct, ça me fait plaisir de vous voir. Côté météo, on va monter jusqu'à 22, 23 degrés. Et ça, c'est plutôt bon pour le moral. On est en direct et franchement, ça me fait plaisir. Salut à Stéphano. Stéphano, drôle de prénom ça, Stéphano. Et puis mon poteau de Paris, Rodrigo S. qui reprend Bruel. Et puis notre invité qui arrive dans moins de 10 minutes en direct sur le 96 de FM. I love you, ich liebe dich, te quiero mi amor. 8h10 minutes, notre invité qui arrive dans moins de 10 minutes, ça me fait plaisir. On va parler d'alarme, télésurveillance, de plein de choses. Est-ce que vous êtes bien protégé? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vaut le coup? Et bien la réponse dans quelques minutes avec Fred qui est dans nos studios. Et ça me fait plaisir de le retrouver sur Rendez-vous Français. Là en direct, vous êtes nombreux le matin à m'écouter. Merci la famille. 8h10 minutes, voici Matt Houston, le remix. Et on a dansé là-dessus en boîte. Alors je pense à tous les clubs de France qui vont réouvrir ce soir. Enfin, il y en a beaucoup qui vont pas réouvrir, mais on va dire 60% des clubs vont rouvrir, surtout dans le sud, parce que c'est pas facile dans le Loiret d'ouvrir en plein été. On en parlera tout à l'heure aussi au téléphone, peut-être avec Mathieu Lebrun, qui est du côté du nord de la France. Voici Matou, Houston est positif. Non, faut pas plier. Oh non, non, faut pas plier. Je sais, faut pas oublier. Oh oh oh. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Oh oh oh. Ma brother, ma sister, même si c'est pas easy. Oh oh oh. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas plier. Yeah, yeah. Not a deal, deal, deal. C'est la boy get killed. Not a deal, deal, deal. You better sign on the bill. Not a deal, deal, deal. The boy get killed. Not a deal, deal. Up in the bar, look a dill dill dill. Sell a boy get killed, look a dill dill dill. You better sign on the will, look a dill dill dill. A boy get killed. dit de ne pas plier, plier, plier, plier. Pour défler, il faut danser. Si plus rien ne va dans ta vie, tout simplement, faut écouter. C'est le remède qui te remonte illico. Alors que dis-tu venir me tester, oublie tes problèmes et viens donc me follow. Ouais, c'est si easy, yeah. Même si t'as pas beaucoup de money, yeah. T'as besoin de l'amour qui lit, ah. Est-ce qu'on besoin de ça la vie, yeah. Pour pouvoir exister, ah. Et quant à toi ma jolie, yeah. Les femmes sont fortes aujourd'hui, ah. Si tu tombes, tu te relèves again, yeah. Tu réussis again, again and again and again. Faut pas oublier, oh, oh, oh, oh. Reste positif dans nos têtes, faut pas oublier, oh, oh, oh. Brother, my sister, même si c'est pas easy, yeah. Oh, oh, oh, oh. Restez positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas plier, plier, plier, plier, yeah. Ah, yeah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Et vous soyez visés. Music in Obi today. Let him be the start like play play. For France, we don't dey throw away. So make una seriously. Try for na business, yeah. And make we dey try to dey rejoice, yeah. Why? Cause it no easy, it no easy. Even if you no get money, yeah. The jolly dey shake body, uh-huh. Cause the way you dey vex, dey complain, yeah. If you no be God, way, yeah. That's some baby dead body, yeah. Nobody be go baby, uh-huh. And when you fall, you go stand up again, yeah. You try him again, again and again and again. Cause it no easy, yeah. Oh, oh, oh. My Peter and Paul, I'm a distant, you know easy, yeah. Oh, oh, oh. My brother, my sister, now for Paris, we yeah. Oh, oh, oh. If we could do a bad DM, yeah, we the dance of the yeah. Baba God, now your hand work, yeah. Yeah, yeah, oh, yeah. Oh, oh, oh, positif, ça c'est super important dans la vie de rester positif, hein. Notre invité qui est bien installé, il arrive dans 3 minutes en direct, Fred. Alors est-ce que vous avez une alarme chez vous? Est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça sert pas? Est-ce que vous voulez en acheter une? Eh bien on aura peut-être des bons conseils, hein. On va voir avec lui, on va voir les prix aussi. Bah ouais, parce qu'il faut pas que ça coûte trop cher, hein. Est-ce que vraiment c'est efficace? Eh bien la réponse dans moins de 3 minutes après la famille. On l'a reçu tellement de fois à la radio, je l'ai fait tellement aux discothèques. Voici mon poteau Philippe, il s'appelle, voilà, hein, vous savez son prénom, Lucenzo Baila Morena. E Vanda Sacudolo. Thank you. arc-en-ciel en direct ce matin, ça me fait plaisir de vous retrouver. 8h17, le ciel est plutôt dégagé, soleil nuage, c'est mitigé, hein. Quelques gouttes de pluie tout à l'heure, mais bon, ça va aller. Katia qui s'est couchée à 2h du mat, bah ouais, fallait te lever, lever à 6h30, hein, c'est ce qu'elle nous dit sur internet, bah ouais, bon courage Katia, et l'invité il est là. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et comme tous les jours, tout l'été, un invité, quasiment chaque jour, et ça fait plaisir. On avait une avocate hier, on avait nos chroniqueurs qui étaient là, on aura la mère de Fleury les Aubrais qui va venir nous voir dans les studios. J'attends juste la date, le jour, elle m'a appelé hier soir, elle m'a dit, je te confirme dans la journée. Alors, on va parler aujourd'hui, on va parler d'alarme, de télésurveillance. Est-ce que vous avez une alarme? Est-ce que vous êtes bien protégé? Est-ce que vous savez à quoi ça sert? On aura des questions et des réponses, certainement avec Fred qui est notre invité ce matin. Bonjour Fred. Bonjour Franck Lier, merci à toi pour cette invitation. Bah ça me fait plaisir, voilà, j'ai lancé un appel comme le général de Gaulle et puis tu as répondu présent, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là ce matin en direct à la radio. Alors une alarme, une télésurveillance, c'est ton job depuis longtemps? Bah c'est mon job depuis 96, donc ça fait 25 ans aujourd'hui. Oh la vache, on a pas un coup de vieux avec toi là, hein. On prend tous un coup de vieux. Ouais, mais bon, c'est un métier passionnant, un métier dans lequel il faut prendre beaucoup de précautions, ouais. Parce qu'on a beaucoup de responsabilités également, ouais, envers vrai. Nos clients, envers même nos fournisseurs, on a des responsabilités. Ouais, c'est vrai. Alors on parle d'alarme intrusion aujourd'hui, on va parler de ça par exemple, un petit exemple juste pour démarrer. Ça sert à quoi une alarme intrusion pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui plus tard voudraient peut-être en acheter une? Alors une alarme intrusion c'est quelque chose qui sert à éviter les vols et les cambriolages, que ce soit pour les particuliers ou bien les commerces, les entreprises et autres. On le sait tous, empêcher quelqu'un de rentrer chez soi ou dans son établissement avec un fusil, quand on est là, le fusil ça peut être bien ou pas bien d'ailleurs. Non, c'est pas bien. C'est dangereux, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Ouais. Bon, à savoir qu'aujourd'hui, les cambriolages, généralement, ils interviennent quand on n'est pas chez soi. Oui, en général, ils vont pas rentrer quand on est en train de regarder la télé. Hein. Oui, mais ça peut arriver quand même. Bah, c'est déjà arrivé. Hein. Donc, il y a des méthodes pour aussi se protéger, même quand on est chez soi. Ah, ouais. Ça, c'est important. C'est bien aussi les méthodes pour les personnes âgées, tu sais, qui sont reliées. À l'aide. Ouais, ça, c'est vraiment bien. On en parlera aussi si tu veux. Alors, aujourd'hui, il y a des questions qui me tombent sur le net, sur mon Messenger, par exemple. Ouais, une alarme, ça sert pas grand chose quand ça sonne. En général, personne fait gaffe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité, ça? Alors, depuis mes débuts, il y a 25 ans maintenant, comme je le répète. Oh là là, oui. C'est vrai qu'on entendait, et on entend toujours, j'en ai encore entendu une hier, qui sonnait de manière intempestive. Un système de sécurité, ça peut gueuler. Ça dépend où, ça dépend comment. Ça dépend comment il est conçu. Un système de sécurité, c'est pas juste un gueulard qui gueule dehors, qui effectivement ne sert pas à grand-chose. Ouais. Nous on va détecter des gens qui vont rentrer à l'intérieur d'une maison, d'une maison ou d'un entrepôt, un bâtiment. Là on va déclencher effectivement différentes choses. Alors c'est ce qu'on appelle de la dissuasion, c'est-à-dire qu'on va empêcher de rester physiquement sur place. Voilà, on va l'empêcher de rester sur place. On va aller faire ce qu'on pourrait dire vulgairement dégager plus vite qu'ils sont rentrés. Bah, heureusement, ça serait bien même. Bah, c'est le but. Ouais, c'est le but. C'est pour ça qu'il y a une étude qui est importante quand on fait la visite des lieux. Les endroits d'accès, le volume à protéger, les lieux ou les pièces qui sont précieuses, on va dire, qui vont peut-être se protéger de manière différente que le volume général de l'habitation ou du local à protéger. La dissuasion, ça peut être sonore, ça peut être lumineuse, ça peut être des fumigènes comme les discothèques. Ah ouais, c'est ça, ouais, je connais ça, les machines à fumer. Les machines à fumer qui sont très très denses. En fait, le but c'est d'envahir la pièce pour qu'on voit plus rien, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on peut remplir n'importe quel volume en moins de 30 secondes. On remplit n'importe quel volume, et là on voit même plus l'heure. Non, on est dissuadé. Hein. Ben, on peut pas rester. On peut même pas partir, ça se trouve. Ah, si, la sortie, ils la trouveront toujours. Hein. Ils la trouveront toujours. Non, mais c'est surtout le but de les empêcher de rester sur place. Les empêcher de rentrer, souvent je le dis tout le temps, on peut pas, mais il faut les faire sortir plus vite qu'ils soient rentrés, par différentes méthodes. Et ça, c'est ce qu'on appelle un système d'alarme, sous toutes ses formes. Il y a beaucoup de formes. Il y a Steve sur Messenger, il me dit, est-ce que ça sert une alarme quand on est relié nulle part, quand ça sonne dans le vide, entre guillemets? Ouais. Alors, si ça fait que sonner dans le vide et qu'on est au milieu des champs. Et c'est vrai qu'il faut dire une chose, hein, si le voisin, ça fait 15 fois qu'il entend l'alarme dans la semaine, Il ne passera pas. Personne ne va faire gaffe. Personne ne fera gaffe, c'est comme la vieille histoire, hein, crier au loup, il n'y a personne qui bouge au bout d'un certain moment. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, notamment au niveau de l'étude de sécurité, il faut préconiser vraiment des éléments qui vont ne pas se déclencher pour un oui, pour un non. C'est ce qu'on appelle le déclenchement intempestif, qui, excusez-moi le terme, embête pour pas dire autre chose. Les voisins. Les voisins, même les gens chez qui on peut être lié ou autre. Un système d'alarme, c'est fait pour fonctionner de manière honorable, je dirais. C'est-à-dire que ça doit fonctionner quand ça doit fonctionner et pas à un autre moment. Comme dans les années 90-80, on dit l'alarme est reliée à la police, mais ça c'est faux. Il y a aucune alarme qui est reliée à la police. Enfin, par les bijouteries, les banques. Par les bijouteries, les banques, effectivement. Mais le mec à sa baraque, t'imagines les flics, sinon tous les quatre patins, ils iraient. Non, il y a quoi comme méthode reliée ou comment? Comment alors, ça se passe, Fred? Aujourd'hui, le plus important, je dirais déjà, la première chose à faire, c'est les empêcher physiquement de rester à l'intérieur. C'est-à-dire que là, on va appliquer une méthode de dissuasion. Ça peut être des sirènes, mais très forte en intérieur. Ça peut être de la dissuasion lumineuse par des flashs thromboscopiques, des choses comme ça. Ça peut être effectivement des fumigènes dont on a parlé. Et effectivement, on est relié. Alors, soit on est relié envers différentes personnes en direct avec quatre numéros de téléphone, par exemple, de son choix. Ah, on prévient des personnes. On prévient des personnes directement. Bah, faut pas appeler ma mère parce qu'elle adore un ronfle. Ouais, elle adore un ronfle. La journée, des fois, elle dort pas peut-être. Ouais, la nuit, souvent les cambriolages, c'est la nuit. On va en parler aussi. Souvent les cambriolages, oui, ça peut être la nuit effectivement, mais c'est aussi la plupart des cambriolages aujourd'hui en France, c'est quand même entre 14h et 17h. Plus de la moitié des cambriolages. Et avec ça, les gens ne vont plus partir de chez eux. J'espère quand même. Hein, c'est le but. Et donc là, effectivement, arrive la deuxième partie de la dissuasion, qui là, on va être transmis quelque part. Donc c'est la transmission d'informations. Donc suivant ce qui se passe à l'intérieur de l'habitation ou du local, on va transmettre à, par exemple, un PC de télésurveillance. Ouais. Bon, un PC de télésurveillance, ce sont des gens qui travaillent 24h/24. Il n'y a pas de pause, hein. Il n'y a pas de pause. Alors bon, effectivement, aujourd'hui. Pas de pause pour les voleurs. Ah bah les voleurs, non, c'est 24h/24. Mais effectivement, on en a parlé, c'est plus souvent l'après-midi. Aujourd'hui, en France. Ah, c'est marrant, moi j'aurais dit la nuit, tu vois, 2h du matin, 3h. Bah oui, c'est à ces moments-là aussi, quand on dort bien. Ouais. Mais là, on est chez soi, souvent. Et la journée, on est au boulot. Ouais. Ah d'accord. Et vu que souvent, ils font l'idiot la nuit, et ils dorment le matin et ils interviennent l'après-midi. C'est ça. Donc là, pour schématiser un peu, l'alarme, elle part à un PC de télésurveillance, c'est ce qu'on disait. Et donc les agents là-haut réagissent, ils préviennent une personne ou deux ou trois ou quatre. Et s'il n'y a pas de réponse, par exemple, si on a quatre personnes, personne ne répond, c'est quoi leur rôle? Justement, les personnes qu'on doit appeler, enfin que le PC de télésurveillance doit appeler, c'est ce qu'on appelle la liste de consignes, qui a été établie avec le PC de télésurveillance et le client. De là, effectivement, les trois ou quatre personnes, ils sont toutes en train de dormir, sont toutes au bord de la plage ou sur la plage. On a la possibilité de faire appel à un service d'intervention. Ah, c'est quoi? Un service d'intervention, ce sont des gardiens, des vigiles, des intervenants qui vont intervenir également avec une liste de consignes, qui vont intervenir dès qu'ils vont être prévenus par le PC de télésurveillance qu'il y a eu intrusion à tel endroit. Et ils vont sur place et ils se rendent compte qu'il y a eu ou pas. Ils se rendent sur place, suivant les consignes qu'ils ont, ils font le tour de la maison, ou ils restent postés dans la maison ou l'appartement ou le bâtiment commercial ou professionnel. D'accord. Et ils peuvent également rester sur place. Ouais. C'est suivant les services que l'on a souscrit au départ de l'installation de la fameuse alarme. Ouais, pour ceux qui veulent installer une alarme, par exemple, aujourd'hui, qui nous écoutent, est-ce que c'est vraiment fiable? À combien de pourcents? Si on peut parler en pourcents aujourd'hui, Si on peut parler en pourcents, depuis que je travaille dans le domaine, donc ça fait 25 ans, j'ai repris une entreprise il y a 4 ans maintenant à Sandillon. Ouais. On la salue d'ailleurs, toutes les entreprises de sécurité et tous mes confrères et mes collègues. Il y a du travail. Pour ma part, j'en ai connu un que j'ai installé, qui s'est fait cambrioler, qui n'a pas suivi mes consignes. Ah ouais. Alors, sans incriminer, c'est mon père. Non, c'est pas mon père. C'est pas mes parents. Non, ce sont des clients qui habitent pas très très loin, qui habitent sur Bacon, et que j'ai protégé en 99, si mes souvenirs sont bons, ou 2002. Et la sécurité n'a pas été mise en fonctionnement. Ah d'accord. Le monsieur était en déplacement. La dame avec les enfants était à la maison. Elle n'a pas mis la sécurité en mode ce qu'on appelle partiel pour la nuit, parce que ça c'est très important pour moi. En fait, on peut dormir chez soi et être surveillé. Exactement. On peut être protégé la nuit quand on est chez soi. Et ça c'est très important. Ça nous permet de dormir sur nos deux oreilles. Et moi le premier, hein. Alors, je vous le cache pas. Donc si on dort, admettons, on a une baraque, on est à l'étage, on peut tout le rez-de-chaussée le protéger. Par exemple, par zone, on peut protéger des accès privilégiés et autres. Et là, les toilettes, faut pas les protéger, parce que si t'as envie d'y aller en pleine nuit, il faut faire attention. L'alarme. Alors, le PC de surveillance, je suis aux toilettes. Je suis aux toilettes. Pas de panique. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des méthodes. Bon, la technologie a avancé. Hein. Heureusement. Les systèmes d'alarme, ça fait, je sais pas, 40, 45 ans que ça existe. Ça évolue quand même. Hein. Heureusement. Ouais. Aujourd'hui, on a des systèmes qui s'installent quand même de manière. L'installation paraît toujours très simple, mais c'est vraiment la méthode d'installation qui compte. je le dis souvent et effectivement sur le terrain on le voit bien, des détecteurs d'intrusion, ça s'installe quasiment au centimètre près. Ah ouais. Il faut pas faire n'importe quoi. Si on veut une efficacité optimale, il faut vraiment mettre les bons éléments au bon endroit. Mmh. Et ce sont les bons éléments au bon endroit qui vont faire une bonne sécurité. Justement, on parle de sécurité et puis d'évolution. Maintenant, il y a des applications qui permettent d'ouvrir son bâtiment ou chez soi, de fermer, de regarder les caméras. Enfin, c'est un truc de fou. Dans le temps, ça n'existait pas tout ça. C'est un truc de fou. Alors, ouais. À savoir que alors, sur tout le monde smartphone, fait n'importe quoi, je dirais, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vendent ce genre de matériaux. Et puis, ils promettent des choses, installer votre alarme pour rien, machin, et arriver là, c'est bien ou quoi ça? On est d'accord, Francky. Moi je le vois, je vois les pubs. On en voit tous les jours. Installe ton alarme, mets ton application, t'es protégé. Bon. On en voit tous les jours. Ça te fait sourire. Nous-mêmes, on a effectivement des gens qui nous démarchent à ce niveau-là. Mmh. Il faut pas tout mélanger. Ouais. La sécurité, ça reste de la sécurité. Un bon système de sécurité, un bon système d'alarme, c'est quelque chose qui va être simple et efficace. La technologie avance, les smartphones c'est bien, les applications c'est bien, mais à savoir que tout ce qu'on a sur un smartphone, en tout cas 99% d'entre nous, eh bien, on peut se faire pirater. Ah ouais, mon but à moi, c'est que mes clients soient réellement protégés. Mmh. Alors, je sais pas si le 100% existe, mais à mon avis, ça peut exister, mais c'est pas en passant via certaines applications. Ça, ouais, c'est certain. C'est clair. En tout cas, il faut pas tout mélanger, et le gadget, et la sécurité. Ouais, ouais, il y a beaucoup de gadgets à ce niveau-là maintenant, de plus exactement en plus, j'ai un pressentiment. Exactement. Alors, on va parler aussi de tarifs, parce que. Les tarifs, c'est important. Si rien n'est gratuit. Voilà, bah oui, heureusement d'ailleurs, sinon, tu vivrais pas, personne ne vivrait. Est-ce que ça coûte cher? Un particulier, on va prendre un particulier, parce que beaucoup de particuliers nous écoutent, ou peut-être des entreprises aussi, mais, la base d'une surveillance à peu près pour une maison, ou combien ça peut coûter? Alors, il y a différentes choses. Après, je sais qu'il y a plusieurs matériaux, possibilités, voilà, bien sûr. Il y a plusieurs possibilités. Mais pour être tranquille, on va dire. Je dirais en moyenne, je dirais chez moi ou chez toi, j'en sais rien, suivant les habitations, on a différentes formules. On peut avoir une formule d'abonnement à 30, 40 euros par mois, suivant les volumes et ce qu'il y a à protéger également. Mmh. Ou alors, après, on peut faire l'acquisition du système de sécurité. C'est ce qui revient aujourd'hui le moins cher. Et aujourd'hui, on a des systèmes de sécurité qui sont faits, qui sont fabriqués et qui ont une durée, même des anciens, qui ont une durée de vie de plus de 20 ans. Ah ouais. Donc, louer un matériel, c'est bien dans le domaine de la sécurité. L'acquérir, à mon avis, c'est quand même un petit peu mieux. En tout cas, si on parle de prix, ça reviendra moins cher au bout du compte. D'accord. Hein, on a des systèmes, nous, de sécurité. L'entreprise, elle a 37 ans. On a des systèmes de sécurité qui tournent depuis 37 ans. Chez vous? Ouais. Voilà. Ah ouais, et c'est toujours efficace. Et c'est toujours efficace. Une vieille clé, là. Vieille clé aussi, ouais. Alors qu'on peut améliorer. Ouais, parce bien sûr. Tout système de sécurité peut s'améliorer. Mmh. Aujourd'hui, on a les techniques, on a le matériel qu'il faut. Les matériels évoluent. On a reçu dernièrement un transmetteur GSM IP qui peut s'installer sur tout type de système de sécurité. Alors, quand je dis tout type de système de sécurité, sauf ceux qui sont verrouillés, comme certaines grandes enseignes dont on peut voir la pub à la télé, où là c'est complètement figé. On peut rien faire. On est pieds et mains liés avec le dispositif et l'enseigne. Mais sinon, aujourd'hui, tout système de sécurité, on peut le faire évoluer, et ça c'est très important. Important. Et ça coûte combien alors? À peu près, une fourchette de prix. Comme je te disais, si on prend des formules d'abonnement, on est aux alentours de 30 à 40 euros par mois. Mais bon, à vie. Sur 120 mois, par exemple, 40 euros par mois, ça fait quand même 4800 euros. Donc ça fait quand même une sacrée somme. Après, un bon système de sécurité, je dirais, pour une habitation lambda, on est aux alentours de entre 1600 et 1900 euros. Là, tu parles du matériel. TTC installé, tout compris, pour une très bonne sécurité. Avec une liaison. Au PC. Pas spécialement au PC, on peut mettre la liaison au PC. Après, il y a un abonnement supplémentaire si on veut être lié au PC. Sinon, sur son téléphone ou si on veut être lié sur 4 téléphones de son choix, là c'est près d'une carte SIM que ça coûte entre 5 et 10 euros pour chacun. Voilà. En tout cas, c'est ce que ça coûte aujourd'hui. Voilà. Et c'est ce que je fais le plus souvent aujourd'hui. Surtout que avec cet abonnement de carte SIM, on peut aussi être lié à un PC télésurveillance le jour où on le souhaite. Tout simplement. Oh, d'accord. Est-ce que c'est bien pour les ça marche avec les assurances? Les assurances sont contents ou pas? Beaucoup d'assurances jouent le jeu. Ouais. Mais à savoir qu'aussi beaucoup d'assurances ne jouent pas le jeu parce que elles ont elles également des filiales qui font de la sécurité. Ah ouais. Alors si on peut dire de la sécurité, j'ai dit une bêtise. Ouais, j'aurais pas dû dire c'est ça. C'est comme les banquiers qui font assurance et tout ça. Je dis pas que c'est. Moi je suis assuré à ma banque alors. Voilà. Je suis critique, mais je suis là-haut alors. Je dis pas que c'est mal, mais bon, à mon avis, la sécurité, c'est bien particulier. C'est comme certaines choses. Hier soir, je sortais de clientèle assez tard, dans un autre domaine qui s'appelle l'automatisme de portail. Chacun son métier. On peut pas savoir tout faire. C'est vrai. C'est juste pas possible. Ouais, c'est vrai. L'avantage qu'on a à travailler au niveau local et quand vous choisissez un artisan local qui a des références, qui sait travailler, qui a une équipe stable, parce qu'aujourd'hui on voit de tout. Ouais, c'est vrai. Nous de notre côté, moi, les seules personnes que j'ai chez moi, nous sommes 5, on n'est pas très nombreux, mais ce sont des gens qui sont là et qui sont fidèles et avec qui j'ai des bonnes relations de confiance. Et puis ce qui est important, c'est l'après. Je veux dire, quand on a un problème, c'est comme ça, c'est local, d'appeler le mec et lui dire bah écoute, j'ai un problème, parce que des fois les grosses chaînes, bah on l'appelle, il y a pas de réponse au bout du téléphone, mais là local on appelle, bon bah en général ça intervient rapidement. Hein. Bah, j'ai un client qui m'a appelé à Orléans ce matin. Pas ce matin, c'est lundi ou mardi soir. Mmh. Il était un peu plus de 22h. Bon, il y a le transfert. J'étais les mains sur mon téléphone, j'ai répondu. Je suis intervenu chez lui le lendemain après-midi. T'es content? Et puis il était content, il était heureux. Je l'ai dépanné effectivement en urgence. Alors il y a un coup effectivement, mais je l'ai dépanné en urgence. Ça s'emballe. Je rigole. Non, mais c'était une intervention qui a été rapide. Ils ont eu le système n'avait pas été révisé depuis 2010, donc depuis 11 ans. Ouais. Donc fatalement, il y a eu quelques soucis. C'est comme une voiture. Un bon système de sécurité, c'est comme une bonne voiture. Si vous voulez qu'elle roule bien, ou si vous voulez qu'elle fonctionne bien, bah voilà. Voilà, il faut, c'est ça. Il faut aller, je dirais, une visite par an, une visite tous les deux ans, mais il faut que ce soit entretenu. Voilà, sécurité. On va parler aussi rapidement des personnes âgées, comme on en parlait au début de d'émission. Elles sont protégées, ça c'est de la sécurité, ça envoie un message. Alors ça c'est bien aussi, ça, ce système. Alors pour les personnes qui sont seules, par exemple. Pour les personnes qui sont seules, dans l'idéal, il y a des systèmes de sécurité anti-intrusion. Donc comme je disais tout à l'heure, qu'on peut mettre la nuit chez soi. Ouais. Et ça déjà ça va les rassurer. Donc rien que le fait d'être rassuré, ça permet de mieux dormir. En tout cas ça c'est à mon avis. Il dort pas de la nuit. C'est mon métier. Mais il y en a qui dorment pas de la nuit. Voilà. J'ai mis l'alarme ou pas? Et donc, lié à ce système de sécurité, on a, donc on peut avoir maintenant aujourd'hui des bips d'appel à l'aide, qui sont, dans le temps, c'était spécifiquement autour du cou. Aujourd'hui, ça peut être des montres, ça peut être un petit boîtier qu'on a dans la poche, ou attaché au pied, enfin, peu importe. Aujourd'hui, on a des systèmes d'appel qui peuvent être reliés à des PC de télésurveillance ou à des personnes et qui sont très simples à installer aussi. Mais c'est bien aussi pour la santé des personnes. Quelqu'un qui se sent mal, comme tu dis, il tombe, hop, s'envoie une alarme. Des personnes fragiles. Voilà, personnes c'est ça. Hein, et ça peut sauver une vie. Hein. Ça peut sauver une vie, et à savoir que on est tous liés à notre santé et un système cardiovasculaire, je dirais, il n'y a pas que les personnes âgées. Ouais. Aujourd'hui, bon, pour ma part, moi je vais avoir 50 ans l'an prochain. Ouais, moi aussi, donc, non, 51 là, bientôt, là, dans quelques jours. Hein. Bon anniversaire à l'avance. Oh, les boules, mais bon, effectivement, ça peut arriver à tout âge. Donc quand on est seul chez soi, on peut être également rassuré et protégé de ce côté-là. Ah, ça, c'est important. Voilà, j'espère que Fred a répondu à vos questions et puis qu'il vous a apporté une lumière autour de la sécurité, parce que des fois, il n'y a pas sûr des bonnes images. Des fois, c'est vrai, les gens ils disent ouais, ça sert à rien, machin. Bah, Images, hein, le on dit machin, puis là ils vont se dire bah attends, je vais réfléchir en fait à deux fois et je vais voir ça. Ce qu'il faut garder, c'est surtout le fait que sécurité c'est anti gadget. Ouais, c'est important, l'autocollant sur la porte, surveillé par parce que ça on en trouve partout maintenant. Il y a du pour, il y a du contre. Ouais. Toi, dans ta société. Moi personnellement, mon prédécesseur le faisait, et personnellement je ne le fais pas parce que pour ma part, hein, ça fait plus de 20 ans que je travaille comme ça, donc 25 ans, je me répète, ça peut évincer certains petits délinquants qui ont 15-20 ans, qui vont se dire, oula, il y a une sécurité, on va pas là. Mais ça peut aussi aujourd'hui attirer d'autres personnes, les professionnels, des gens plus professionnels, qui connaissent bien les autocollants, les autocollants, qui peuvent savoir ce que c'est comme matériel, et qui peuvent se dire bah tiens là c'est qu'il y a quelque chose à prendre, il y a quelque chose à voler, et c'est surtout eux qui interviennent la nuit quand on est chez soi, même quand il y a des autocollants, parce que souvent de fois les gens ne mettent pas leur sécurité la nuit, et je me bats contre ça auprès de tous mes clients. Je préconise des dispositifs qui peuvent s'installer et qui peuvent fonctionner la nuit, et ça c'est très important. Une autre question de Jean-Pierre, les fausses alarmes, enfin les fausses caméras, les faux détecteurs, est-ce que ça dissuade ou alors est-ce qu'il faut éviter ça? Parce que de plus en plus de commerces en vente justement, acheter un truc où tu mets des piles où ça s'allume rouge. Bah, c'est exactement la même chose que l'autocollant pour moi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que ça peut dissuader, comme ça peut. Ouais. Mais ça les peut gens, attention, comme tu disais, les professionnels connaissent ce genre d'appareil. Ils les reconnaissent tout de suite. Ouais. Ils les reconnaissent tout de suite. Ça, c'est du faux, ça. Bah voilà. Ouais. Pour ma part, bon, alors c'est vrai que je suis dans le métier, mais pour ma part, je sais faire la différence entre une fausse caméra et une vraie caméra. Ah non, on a des vraies caméras ici. Hein. T'as vu où j'ai vu. D'ailleurs, elles sont très très. Elles sont très belles. Mignonnes. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, t'es surveillé. Attention. Voilà. Ouais. Bah, c'était surveillé. Bonjour tout le monde. En plus, c'est vrai qu'ils surveillent. Non, ils surveillent pas, mais c'est juste pour au cas où il y a un problème. Non, mais c'est. En plus, ça a l'air Même moi, il me surveille. Hein. Des fois, quand je mets les pieds sur la table, on me dit attention, il faut pas mettre les pieds sur la table. Alors, on va juste avant de se quitter, Fred, si tu veux, merci déjà d'avoir accepté cette invitation ce matin. On va parler juste des départs en vacances. On parle justement sécurité. Des conseils peut-être pour les auditeurs qui vont partir, qui n'ont pas d'alarme ou qui ont une alarme. Alors, les conseils, je dirais. Pour ceux qui ont une alarme, qui se barrent en vacances, qui sont pas reliés, par exemple, ils sont au Cap d'Agde et l'alarme, c'est où je vais. Voilà. Ils sont tout nus, ils sont au Cap d'Agde. Si c'est pas relié, déjà, faut prévenir les voisins qu'il y a une sécurité et puis leur dire si ça déclenche quand même qu'il n'y aille pas tout seul. Ouais, c'est super. Faut pas y aller tout seul parce faut pas se substituer comme on dit aux forces de l'ordre tout ça. Hein. Non, y aller tout seul, c'est prendre des risques. Aujourd'hui, on sait pas à qui on a affaire. Ouais. Les gens qui viennent faire des cambriolages, ce sont pas des gens qui travaillent, c'est pas des courageux. Donc le problème, c'est que. C'est d'appeler le 17 au pire. Déjà. Est-ce qu'ils vont se déplacer le 17 parce qu'on leur dit il y a une alarme à côté. Il va dire écoutez madame. Il faut aller voir, mais rester à distance. Ouais. Pas prendre un mauvais. Avec un chien sinon. Avec un chien. J'ai un yacht-cher. Non, mais faut pas prendre un mauvais coup en allant voir. Ça peut. Parce que les gars, s'ils rentrent chez nous, ils ont des outils. Un geste malheureux avec un outil, ça peut avoir des conséquences vraiment désastreuses. Voilà. Donc, il faut prendre soin de soi, il faut faire attention à ce qu'on fait. Je dirais, c'est comme si on roule à 200 sur une départementale et puis qu'on met pas la ceinture de sécurité. Déjà, 200, c'est interdit. Et puis, la ceinture de sécurité, c'est obligatoire. C'est interdit. Non, je rigole, c'est obligatoire. Allez, enlevez pas vos ceintures, faites pas les courses ce matin, c'est super obligatoire. Fred, on te remercie. Merci à toi. Je vais mettre sur mon Facebook, comme on t'a invité, ta photo avec ton lien à ta société, comme ça, si les gens veulent te contacter, s'ils veulent installer une alarme ou alors plus de renseignements, à Saint-Dion, on peut te joindre, y a pas de problème, merci mon ami. Bien. Ça me fait plaisir. On se boit un petit café, on fait la photo. Écoute, et puis on vous allez retrouver le lien de mon ami si vous voulez une belle alarme. N'hésitez pas à cliquer dessus. Merci Fred. Merci Francky. ¿Qué pasó? Soy culpable de no haber sido más fuerte para los dos. Lo siento, lo siento. Lejos de tu mirada y de tu corazón, me siento I'm Quel souvenir sur l'arc-en-ciel, bientôt 8h42. Et on en a appris sur les alarmes. Hein. Et ouais, si vous intéresse, je vous mets le lien tout de suite là. Et le numéro pour le contacter, ça peut servir. Hein. Et puis ça peut sauver peut-être des vies. Rendez-vous aussi, Mr. Jack sur l'arc-en-ciel. Quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby. Era só janjão. Quando tu dizias que serias sempre a minha, baby. Era só janjão. Tu dizias que me morras, que me adoras, baby. Era só janjão. Quando tu dizias pra pedir a tua mão. E o que faço eu? Se não tenho o teu carinho. E o que faço eu? Se não tenho o teu beijinho. Tem meu coração e eu não mereço. Eu não mereço. Foi muito pior que a banda de canhão. Que princesa para rainha do janjão. Eu não mereço. Eu não mereço. Oh, oh. E se for tu, quebra esse feitiço, eu quebro a minha bu. Porque eu amo, oh, amo demais essa mulher. Amor, hey, me diz que posso fazer. E o que faço eu? Se não tenho o teu carinho. E o que faço eu? Se não tenho o teu beijinho. E o que faço eu? Se não tenho. Método de descarte vi, sou deste jajão. Like Zé Calanga, nem honesta não, muito menos franca. Que tamanha hipocrisia tu tens? Nada a ver com Pedro, mas tu investe nos bens. Mama, matéria, não é seria. Nosso amor morreu. 8h45 en direct sur votre radio couleur, ça fait plaisir. La météo aujourd'hui c'est plutôt pas mal, hein, du soleil. Ça va briller un petit peu partout, mais ça va se modifier ce week-end, on vous en parle. La météo. La météo, donc aujourd'hui le ciel est plutôt ensoleillé avec quelques nuages, quelques gouttes de pluie aux alentours de 2 midi, c'est ce que j'ai vu sur Météo France. Demain malheureusement de la pluie, du soleil, de la pluie, des nuages. On n'arrive pas trop à trouver notre rythme, hein, et pourtant c'est l'été. Ouais, c'est l'été en France, hein. Et ouais, malheureusement, et puis c'est de très très bonnes vacances à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Et puis du son qui arrive, et puis un titre que j'affectionne parce qu'ils sont quand même numéro 1 partout en ce moment. On les a eu au téléphone il y a 2 jours, le collectif métissé. Et puis moi j'étais fier de faire partie de ce groupe il y a presque 10 ans. Voici Daylan Kuduro. Dans la latino, caliente tu. Es una fiesta loca, danza latino, caliente culo, tu remo la beba, es una fiesta loca. Tu me dis que je veux des manes, à la vie du bon côté. Tu me dis, me dis que, tu me dis, me dis que, allez viens on va manger. Tu me dis que je veux t'éclater, c'est ta liberté. Tu me dis, me dis que, tu me dis, me dis que, allez viens on va chanter. Allez, oh, oh, oh, oh. Radio Roncello en direct, Danza Kuduro. 7h, 9h, le matin c'est bien, et c'est Francky. Et c'est Francky, puis le Lorenzo, comment on dit? Lorenzo, ah bah tu vois, moi je suis dans les Lucenzo, c'est pour ça, ouais, ça va Lorenzo? Ça va, et toi? Ouais, tu arrives à 9h avec une émission qui s'appelle comment? Je s'appelle Fin de semaine à porte. Alors, fin de semaine à la porte, c'est-à-dire la fin de semaine à la porte, c'est ça? Voilà. Et pourquoi à la porte? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la fin. Oui, c'est la fin de semaine, c'est le vendredi, mais c'est beaucoup de gens qui laissent son boulot. Ah ouais, ça y est, c'est la fin. Il y a beaucoup de gens qui écoutent aussi. Alors, est-ce que le Portugal, on peut y aller cet été ou pas? Il y a des gens qui sont en train de dire qu'on pourra peut-être pas y aller, ça se trouve, ils vont fermer les frontières. Si, on peut y aller, mais avec le pass européen et avec la vaccination. Mmh. Et s'il n'y a pas de vaccination, il faut faire un test en moins de 78 heures. D'accord. Parce que sinon, s'ils n'ont pas ça, ils passent pas. Ou sinon, ils prennent une amende de 150 euros. Ah ouais, quand même. Ouais. On fait gaffe. Hein, jouez oui, pas il faut ça. Faire attention à ça. Bon, on va te retrouver à 9h, mon ami. Oui. Dans 10 minutes. Hein. Avec plaisir. Voilà. Et je suis bien content que tu es là aussi. Bah alors aussi, je suis content de te voir, hein, t'as vu. Hein. Ouais, voilà. Ça fait pas mal de temps qu'on se voit. Ouais, il y a longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. Ah. Ça y est, on se revoit enfin. Merci Lorenzo. Okay, dans 10 minutes, il arrive en direct à la radio. Hey, ça c'est du bon ça. Eh ouais, on l'adore. Nicky Yam. Yo sé que acá voy a conocerte, y es muy rápido mantenerte. Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura. No me puedo contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo. No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento y eso va a suceder. Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer en mar. Lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no. Vamos olvidando del teléfono, ¿a dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije déjate llevar. Una aventura te voy a dar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo muy bien, yeah. Yo sé que acabo en conocerte, y es muy rápido mantenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura. 8h49 minutes sur Radio Arc-en-Ciel, et puis dimanche la finale, hein, Italie-Angleterre pour l'Euro. Alors vos pronostics, allez-y, vous m'appelez avant 9h, 02 38 43 48 00, dites-moi qui va gagner d'après vous, l'Italie ou l'Angleterre? 02 38 43 48 00, dans moins de 10 minutes, bah je vais partir, hein, bah c'est l'heure. Hein. Arc-en-Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec France. Eh ouais, dès 7h du matin, la semaine, lundi au vendredi, 7h-9h, c'est votre réveil. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Olha a explosão. Bada boom. Lingerie filled up the room. Slip off the feet like a broom. I see you tryna fit in and ain't no room. She want a selfie, I took the selfie. You tryna get rich, I'm tryna get wealthy. Aim for the stars, expensive cars. Ride over Mars, playing with guitars. This is the sound, I'm feeling it now. Travel the globe, I'm back and behold. I'm inside their soul, outside the lot. I call all the shots, I'm balling you not. The ball in my court, I turned up the torque. I'm going real fast, I'm hand on the ass. Brazilian with the wag, eating bossa nova. Come in Casanova, come in Casanova. Dale, de Brasil pa'l mundo entero. Quien es la que se anota primero? Que bailemos funky, funky, funky, funky, funky, funky. Dale, de Brasil pa'l mundo entero. Quien es la que se anota primero? Que bailemos funky, funky, funky, funky, funky, funky. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Olha o que ela faz num baile funk com as amigas. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbum no chão, chão, chão, chão, chão. Te prefiro um ritmo que te gostou. Baila que baila que baila funk. Dale pegadito hasta abajo y es slow. Flow, flow, flow. So fresh like just hopped out the room. Jet fuel, I'm running on fumes. Six dicks coming soon. That boy like loon. I'm in Holland. Shorty on opium balloons. I'm pull up to the club, spending 26. My time. Every time I step out, 86 come. Baby girl, bring your sister and your mom. Time is 3D, I'm a national dime. Dale, de Brasil pa'l mundo entero. Quien es la que se anota primero? Que bailemos funky, funky, funky, funky, funky, funky. Dale, de Brasil pa'l mundo entero. Quien es la que se anota primero? Que bailemos funky, funky, funky, funky, funky, funky. Radio Arc-en-Ciel, bientôt 9h du son Cayenne. Juste avant de laisser la place à Lorenzo. Et puis Marquito qui devrait nous appeler normalement avant 9h. Normalement, j'ai bien dit. Et puis moi je vais retrouver lundi matin, 7h-9h. Voici LP avec l'Insomnio. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. Hold me like you never lost your mind.